Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Roquefort Show. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Pour nous, tout s'est bien passé, ma chère Jen. Oui, complètement. Hein ? Allez, fais-nous des petits trucs comme ça. Ah, il y a les rennes qui sont revenus. C'est trop fort. Bonsoir, Tom. Ah, je ne t'entends pas. Parce que si je veux pas mon potard, il fait froid. Oui, il fait encore froid et les moufles, tu les as toujours pas enlevées, quoi. Hein, je les enlèverai jamais, tu vois. Excuse-moi, allez, hein, mais bon. Ce soir, deuxième partie de notre best-of de l'année 2016, hein, avec une nouvelle sélection de titres. J'espère que l'émission de la semaine dernière vous a bien plu. En tout cas, nous, on s'est amusé à la faire, n'est-ce pas, Jen ? Complètement. Hein, parce qu'il a qu'est-ce fallu qu'on a bien mangé. Il a fallu se replonger dans toute l'année 2016. Ça n'a pas été un mince travail. Et puis après, on a sélectionné toute une liste de groupes. Et puis après, bah, il a fallu sélectionner les titres. Alors, ah, là, c'était un peu plus compliqué. Hein. Mais voilà, on s'en sort un petit peu. Alors, on n'a fait aucun classement, hein, ma chère Jen. Non, bah non, parce qu'on a tous eu, voilà, on a eu pas mal de coups de cœur et il y a eu pas mal de sorties d'albums. Donc voilà. Alors parmi nos coups de cœur, bah, ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Existence, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle, ma chère Jen, tu as le titre, c'est Breaking the... Non, je n'ai pas le titre. Désolé. C'est Breaking the Rock et c'est une autoproduction et c'est sorti bah, là en mois de... Je crois que c'était devait être octobre ou novembre 2016. Donc... très bon album, et surtout vous retrouverez le groupe au Paris Metal France Festival à partir de... Bah, ce sera le dimanche, ils jouent le dimanche 8 hein, sur la grande scène, sur la petite scène, mais ils seront tête d'affiche de la petite scène. Donc le Paris Metal France Festival, on vous le rappelle, le 6, le 7, le 8 janvier, et il y aura plus d'une quarantaine de groupes pour vous, des groupes français et trois groupes étrangers. Il y aura Fire Force, groupe belge, il y aura Drakkar, groupe belge, et Crying Steel, groupe italien. On va commencer avec bah des titres, on va commencer en force, parce qu'il faut vous réveiller après le jour de le Noël. Et donc on va commencer en force avec du brutal, puisqu'il s'agit de Merciless. Merciless, mon cher Tom, tiré de leur album. Je t'écoute. Bah, tiré de leur album. Ah, Pathetic Divinity. Et le titre que l'on va écouter, Christianiste. Exactement. Donc l'album, bah, je sais pas, tu as d'autres infos? Oui, ils sont sortis chez Chaotoxin Records. Chaotoxin Records, oui, voilà. C'était bon, début courant de l'année 2016, je crois que ça devait être même en... Attends, je sors ma DeLorean et je reviens en novembre, en octobre même. Octobre. Non, en octobre, oui. Le 7 octobre 2016, voilà. Très bien. Tu peux ramasser ma DeLorean ou... Ouais, tu peux la ranger maintenant, parce que ce sera plus à moi de parler. Et ils viennent de Mulhouse. Hein, ils viennent de Mulhouse, tout à fait. Ils seront aussi au Paris Metal France Festival. Mais c'est un grand, grand groupe des années, fin des années 90. Années 80-90. Et voilà, on les avait déjà fait jouer au Paris Metal France Festival en 2013. Et donc, on les fait revenir. Et c'est très bien, puisque tous les groupes auront quasiment joué deux fois au Paris Metal France Festival au niveau des grosses têtes d'affiche. Donc, voilà. Ma chère Jen, je pense que... Non, c'est monsieur Tom. Non, je suis pas là. Bah si, c'est à toi. Attends, je vais ranger la voiture. Hein. Allez, il y a une petite distance quand même. Excuse-moi. Jeu de mots, oui. The Distance, ouais. Un groupe indépendant français connu, Phil, que t'as déjà rencontré, non? Oui, on les a déjà reçus au Roquefort Show. Et ils nous ont sorti donc un nouvel album. Mesmerize, sorti chez Nota Bene, courant de l'année... Oui, Nota Bene aussi ou... Oui, voilà. Ah bon, oui. Tu peux me dire non, mais si. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Ça ne faisait pas partie de mes sélections, donc oui, ça doit être ça. Tu penses à M.E.O. C'était avant, M.E.O. Ouais. Tu pensais à M.E.O. M.E.O. s'occupe maintenant avant. Du management, du... Comment dire? Du community management, voilà. D'accord, très bien. Toutes les infos, ils ont été prises sur la page Facebook du groupe, donc sinon... Super. D'accord. Génial. Fantastique. Sinon ils sont pas pros. Ah non, mais extraordinaire. D'accord. Et on enchaînera ensuite avec des Suisses. Ouais, encore. Bah, j'adore la Suisse, je crois. En fait, ouais. Non, mais en fait, c'est même sûr parce que ils font. C'est quand même des groupes de hard rock qui sont super doués. Ouais. Alors moi, j'ai choisi Chakra. Voilà. Hein, c'est quelle grande surprise. Ouh, dans le même style que Gotthard, dis donc. Et je vous ai sélectionné le titre Into Your Heart, tiré de l'album High Noon, qui est sorti en janvier 2016 chez AFM Records. Voilà. Merci pour les petits Suisses. Eh bien, on part en musique et on se retrouve tout de suite après. Musique, c'est parti. <t'->

vous êtes toujours à l'écoute du Roquefort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz bien évidemment, mais également sur Air Radio. Voilà, et vous êtes en train d'écouter un titre qui nous a, enfin un album même qui nous a bien plu, on va dire. Puisqu'il s'agit de Pretty Maids, les Danoises de Pretty Maids, qui nous ont sorti un album qui s'appelle Kingmaker, qui est nettement mieux que celui qu'ils avaient sorti précédemment, mais qui n'est toujours pas, je trouve, il est un petit peu en demi-teinte. Mais bon, voilà, il y a un gros effort fait de Pretty Maids, on reconnaît bien la voix, les mélodies sont là, et franchement, ça a été quand même quelque chose d'assez... d'assez bon pour cette année 2016. Il est sorti en quelle année? À quelle date? Il est sorti en 1976. Alors, cet album de 2016, il est sorti en quelle année? En fait, on fait un best-of année 16. Voilà, parfait. Non, c'est, il est sorti quel mois? Enfin, en novembre. Il est sorti le 4 novembre 2016 chez Frontiers. Et le morceau qu'on écoute, c'est Face the World, qui est certainement l'un des tubes de cet album, ma foi, assez fort sympathique. Alors, on va vous débriefer un petit peu ce qu'on a passé depuis le début de l'émission. On a commencé donc avec... alors, au départ, c'était un chant de Noël, on ne vous l'a pas dit tout à l'heure, mais c'était un chant de Noël, jour de l'an, enfin bref. Hein, voilà, c'était pour vous souhaiter la bonne année, mais c'est pas encore maintenant, c'est dans quelques jours la bonne année. On vous la souhaitera dans l'autre émission, la prochaine, celle du 5 janvier. C'est ça. Voilà. En tout cas, passez un bon réveillon de jour de l'an après celui de Noël. Donc on a écouté tout à l'heure en ouverture d'émission, on avait commencé avec Merciless, on a enchaîné avec The Distance, yes, et puis on avait fini avec Chakra, évidemment. Donc maintenant, on continue avec des Français, bah oui, hein, les Français qui seront trois fois à l'affiche du Paris Metal France Festival, et puis qui nous ont sorti un album le 10 juin 2016 et qui se nomme Non Serviam. On vous a rabattu les oreilles avec cet album, on n'a pas arrêté d'en parler. Ce soir, on vous diffuse le morceau La Furie. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh bien, oui, ça va être La Furie le 6, 7 et 8 janvier au plan. Les 3 jours, oui, puisque le groupe fera donc 3 setlists différentes, rien que pour vous. Et à des horaires différents, c'est ça, Phil? À des horaires différents, oui. Ils joueront pas tous les soirs à la même heure. Ils sont en tête d'affiche le vendredi ou pas? Non, ils seront à aucun moment ils seront en tête d'affiche, puisqu'on a préféré laisser la tête d'affiche à d'autres groupes. Par contre, là où ils seront le plus haut, ce sera le samedi, effectivement, où ils seront avant-dernier groupe, on va dire. Voilà. On enchaînera ensuite avec mes chers amis. Malmour. Ça, c'est un titre de notre cher ami Jen, qui a craqué littéralement. Oui, complètement. Le 15 décembre. Ouais. Puis, ouais, je sais pas, j'ai vraiment un gros coup de cœur de fin d'année où je pense que je vais vraiment prendre plaisir à écouter l'album en entier. Et du coup, j'ai choisi le titre Carnaval Cannibal. Je vais y arriver. Donc, forcément, des Français aussi, hein. L'album est sorti le 5 décembre 2016. C'est une autoprod. Et voilà, ils nous viennent de Paris. Le titre de l'album, c'est Baltrap. Voilà, et c'était voilà. Bien dans ta face. Et c'est vrai que l'émission était vraiment super sympa. Là là, et puis Xavier est absolument adorable. Et adorable. Voilà. Ouais. Baltrap, bien dans ta face. Oui, c'est ça. Ouais, pourquoi? Non, moi, Baltrap, je le tire, mais bien dans ta face, non? Non, mais le titre, c'est l'album. Il arrive bien dans ta face. Voilà. C'est ça que je voulais dire. L'album. L'album, qui, c'est vrai, c'est un véritable coup de poing rock'n'roll. Vraiment gros coup de cœur. Ouais. Et pourtant, c'est du chant en français. Hein. Comme je disais à Xavier hors antenne, pour que j'aime un groupe qui chante en français, c'est compliqué, quoi. Et bah, voilà, cette fois-ci, c'est fait. Ça s'appelle Malmort. Et on enchaînera ensuite avec un autre groupe français. Ouais, un groupe du Sud, Sidi Larsen, des Toulousains, qui ont 20 ans d'expérience maintenant, donc ils tournent quand même pas mal. Ils ont viennent nous sortir un nouvel album, Dance Floor Bâtard, en début d'année. Ils ont tourné, ils ont fait leur première tournée, ils ont été tournés jusqu'en Russie aussi. Ils ont fait une petite tournée en Russie cette année. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Go Fast. Go Fast. Voilà, sorti chez Vericord. Vericord. On enchaîne donc, et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce best-of numéro 2, part 2, on va dire nos coups de cœur de l'année. Musique. Prévu c'est de mépris, traîner dans les viscères. Nul ne peut partager ma collection de chair. De mes mains, la vie se détache. Et l'hiver, je ne le meurs. Toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz et R Radio. Et nous sommes dans une émission spéciale Best of de la rédaction, la partie 2. Puisque la semaine dernière, vous avez écouté la partie 1. Et surtout, vous venez d'écouter Alex, Malmore et City Larsen. Et ce que vous entendez en fond sonore, encore un groupe du Paris Metal France Festival. Dis donc, mais c'est dingue, quelle surprise ça. C'est dingue. Et en plus, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas le hasard, c'est que vraiment on a mis des groupes qu'on a aimés toute cette année dans le Paris Metal France Festival. Donc on est en complète cohésion avec le rôle et l'émission Rock for Show. Non, voilà. T'as pas mis Sidi Larsen. Non, on l'a pas mis parce qu'ils étaient trop loin, ça coûtait trop cher. Et c'est vrai en plus que ça coûtait trop cher. Donc Yann Armellino et El Buccio, que vous entendez en fond sonore, nous avons sorti un superbe album qui s'appelle Better Way, et c'est sorti récemment, le... Tout à fait, le 14 octobre, chez Nota Bene, et le titre de... Qu'on écoute ? Qu'on va écouter. Qu'on écoute. Qu'on écoute, pardon. Ça, je commence à fatiguer avec les fêtes, là. Never Ever, voilà. Donc un excellent titre, et vous pourrez retrouver ce duo avec d'autres musiciens, bien évidemment, dans le cadre du Paris Metal France Festival, sur la petite scène, sur la Roquefort Stage, en fait. Et ils joueront le samedi. Voilà, donc ne les ratez pas. Ils seront plutôt en soirée, hein, donc si vous voulez les voir. Et il y aura peut-être des invités avec eux. Des invités de Marc, mais pas seulement de Marc. Peut-être de Patrick, peut-être de... On sait pas. Hein, voilà, peut-être d'autres marques. on va enchaîner donc avec la suite de nos petits choix de cette année 2016. Moi, je vous ai choisi un groupe canadien qui s'appelle Van Alst, chanté par une voix féminine assez rock'n'roll, donc qui devrait plaire un petit peu à Jen, parce que c'est pas une voix lyrique comme elle déteste. Hein, le titre du morceau, mon cher Tom, est-ce que tu te rappelles du titre ? Non, du tout. Worlds of Make Believe. Yes, c'est ça. Et je sorti chez en autoprod. Oui, c'est une autoprod canadienne, ouais. Et c'était sorti en mars 2016. Mars 2016. Merci. C'est bien. Ça. Et je crois que le titre de l'album, c'est le même titre que le titre que l'on va écouter, c'est ça. Ouais, c'est ça. World of Make Believe. Ouais. Voilà, donc c'est tout. Et c'est excellent. Enfin, moi, j'ai vraiment craqué. Et c'est un truc que j'écoute encore aujourd'hui et qui tourne dans mon iPhone. Non, on va pas dire iPhone parce que c'est pas un iPhone que j'ai, mais dans mon téléphone. Et pour aller au boulot, bah, j'écoute toujours Van Alst et puis pas mal d'autres trucs que j'ai aimé pour cette année 2016. Et dans ton ordi aussi, peut-être. Dans mon ordi aussi, ouais, ça arrive aussi. Et il y a un autre groupe aussi qu'on a bien écouté cette année. Il a introduit en fait ce que j'allais dire. Bravo. Hein. Excusez-moi, l'année n'est pas finie. On verra la prochaine. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent et il y en a qui continuent à boire. Ouais. Oui, donc on va enchaîner avec l'ordi. Donc l'album est sorti en septembre 2016 chez AFM Records, parce que eux ils le peuvent, bien sûr. Hein. Oui. Le titre de l'album s'appelle Monstérophonique. Il n'y a pas de S à la fin. Non. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Elle a fait un arrêt stem sur ses skis. Hein, et paf. Elle a mis un mur devant, elle a fait comme ça, je m'arrête. Boum. Elle s'est arrêtée avec les mains, c'est bon, la tête, ah ouais, elle n'a pas touché. Vaut mieux là, parce que... on vous les présente pas, ils ont quand même gagné l'Eurovision. Je ne sais plus en quelle année, mais... 2003, je crois. 2003. Ouais, enfin voilà, ça fait un moment. Ils ont même une statue qui a été érigée en Finlande, dans leur ville natale. C'est en Finlande, ou ils sont norvégiens. Non, ils sont finlandais. Et dans je la, me trompe toujours. Après qu'ils aient gagné ça, il y a une statue qui a été faite à leur effigie dans la ville d'où ils viennent. Et chez nous, il y a Michel Drucker qui a craché dessus. Exactement, mais pauvre naze. Bref, on a le droit. Donc oui, donc l'album est sorti en septembre, ça je l'ai déjà dit, et le titre qu'on va vous passer, c'est Down with the Evil. Evil ou the Devil? Evil. Devil. Ouais, c'est Devil. Ouais, c'est ça que c'est pas j'allais Evil, dire. C'est Devil. Ah bon, bah ouais. Tu vois, ça, t'es Devil, bon, c'est Devil. C'est comme Dar Devil. C'est t'es sûr que c'est de C'est David, ouais. Il me semble que c'est David. Hein. Ah ouais. Salut David. C'est pas David. C'est pas Goliath, quoi. Non, c'est Don with the Devil. Non, c'est ah, bien, d'accord, c'est bien ok. Devil. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai noté Evil. Non, c'est Devil. Et on enchaînera ensuite avec. Bah, on va traverser l'Atlantique. On retourne de l'autre côté de l'Atlantique, on va au Canada encore. Enfin, super. Signal. Super. Il y en a eu quand même pas mal des groupes canadiens. Et on salue Radio Biz au passage. Bah oui. Puis on leur dit, faites gaffe, déneigez devant chez vous, on arrive. Radio Québec, on dit, et il fait froid là-bas. On a gagné au loto, on s'est payé les billets. Et les billets, on a... Apparemment, ils ont quand même eu du moins 40, quoi. Ouais. Bah c'est bien, ça leur fait les pieds, tiens. Hein ah, eux, au moins, ils ont pas de problème de tic. Non, eux, ça tue toutes les maladies. Voilà, ils ont bien ça. Raison. Allez, on envoie la musique, donc on commence avec Van Alst, on continue avec... L'ordi. Et on termine... Avec First Signal et le titre Pédestral. C'est parti, musique. Oh, yeah. Down with the devil again. Do I go down? Down with the devil again. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show et bientôt la nouvelle année, ma chère Jen. Ouh. Ouais. T'as fait plein de souhaits, j'espère, pour cette nouvelle année. Non. Non. Bah bon. Non, bah. Non, j'ai juste. Ça me concerne moi personnellement. Donc, ah d'accord, donc tu diras à personne. Faut pas les dire. Tu ne l'as pas encore passé, t'as déjà les souhaits, toi. Vas-y, raconte. Souhaits, raconte les tiens. Mais faut les préparer. Non, mais raconte les tiens. Ah bah moi, de toute façon, il est simple, hein, le mien. Hein. Vous le savez tous. Hein. C'est qu'il y a un joyeux 50 ans. Il y a déjà, ouais, et puis il y a un grand événement en début d'année et il faut que ça réussisse, quoi. C'est surtout ça le souhait. Le reste, voilà. Et puis bien passer la nouvelle année, ce sera déjà pas mal en bonne santé, en bonne forme. Moi, j'ai décidé de me libérer de la cigarette et j'ai décidé surtout de devenir meilleur. Bon, ça va, t'es déjà pas mal. Hein. Bah ouais, mais. Ah, encore meilleur. Tu vas être extraordinaire. Hein. Bah voilà. Bon, et toi, Tom ? La vie continue. Ah oui, bah j'espère bien. Ah oui, j'espère bien. Ça c'est qu'un détail. Ouais. Et rien d'autre. T'as arrêté réellement de fumer, non? Tu veux pas? C'était juste une boutade. Hein. C'était oui, une merci. Une private joke. Qu'est-ce qu'on a écouté juste avant donc de reprendre l'antenne? Van Alst, les Canadiens. Tout à fait. Lordi, les Finlandais. Et First Signal, les Canadiens. Encore. Et donc, on n'avait pas tout dit sur First Signal. Non, sorti en juin 2016 chez Frontiers avec leur album One Step Over the Line. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est Ghost. Parce que tout le monde nous a dit ah, vous parlez jamais de Ghost. Non, c'est vrai qu'on en parle pas souvent. On n'aime pas trop les fantômes, quoi. En fait, non, c'est surtout qu'on n'aime pas les trucs commerciaux à mort. Et voilà, on aime bien parler des petits groupes. Bon, en devenir, en développement. Ouais, voilà. Mm. C'est pas faux. Donc Ghost qui nous a sorti EP Pop et Star. Oui, hein. Tout à fait, en septembre 2016. Le titre qu'on entend derrière, c'est Square Hammer. Et ils ont signé donc, chez Spine Farm. Spine Farm, exactement. On va continuer dans cette sélection du best-of, ce qui nous a plu en fait. C'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler, ce qui nous a plu le 16. Voilà, donc là on reste dans le commercial et dans le connu. fais voir ça. Non, il y a un groupe. Non, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Alors c'est commercial parce que c'est un groupe qui vend. Oui, mais l'album n'est pas tellement quand commercial. Quand je dis commercial, c'est pas forcément attention, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Mais quand on écoute Ghost, c'est vrai que ce titre-là qu'on écoute là, c'est super commercial. Mais on ça peut passer en radio. Voilà, c'est ça. Alors que ce que l'on va diffuser là, c'est pas des choses qu'on va entendre sur les grandes radios. Non, on est d'accord. On est bien d'accord. Donc c'est pas des choses quand même que l'on peut. Ils se vendent bien en tout cas. Voilà, ils sont connus. Voilà. Mais je pense qu'ils se vendent bien parce qu'ils ont un public qui les suit. Exactement. Et puis qui apprécie ou pas. Parce que le public n'est pas tendre avec eux. Hein. Non, bah, ils franchement, savent. Moi j'étais content d'avoir cet album entre les mains. Je pense que vous avez tous deviné de qui il s'agit. Hein, quand on a autant de critiques aussi bonnes que mauvaises concernant ce groupe, bien évidemment, il s'agit de Metallica qui nous a sorti un nouvel album cette année. Triple, puisqu'il y avait un double album plus un live en plus, donc voilà, on est enfin moi j'étais très content de pouvoir réécouter du Metallica et du Metallica qui me fasse plaisir aux oreilles, c'était surtout ça. Pour toi, ça a été un album retour aux sources, plus ou moins, c'est ça? Je dirais pas retour aux sources. Non, mais retour à la cassure, il y a eu une cassure pour toi, pour le groupe, et je dirais surtout retour à Metallica écoutable. C'est voilà, parce que j'aimais pas le son, j'aimais pas les compos, j'aimais pas plein de choses. Et là, ma foi, c'est sorti donc le 18 novembre dans toutes les bonnes crèmeries. Ils ont fait vraiment une sortie mondiale unique. Et voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié cet album. Et le titre que je vous propose de découvrir, bah, c'est le titre qui ouvre l'album et qui s'appelle Hardwired. Et c'est tiré en fait de leur album qui était un peu compliqué à dire hein, puisqu'il s'agit de Hardwired to Self-Destruct. Et comme je vous l'ai dit, c'était sorti. Alors je sais plus sur quel label. C'était le label de Metallica, je crois, non? C'est ça? Non, vous êtes. Bah, pas au courant. Bah, non. En fait, moi, Metallica. Black Knight Records. Ouais, Black Knight Records, ouais, je pense que c'est le label. C'est de le Metallica. Label de Metallica. Ah. Voilà, donc moi j'ai adoré cet album parce que j'ai renoué un petit peu avec le son Metallica, j'ai renoué avec les compos. Alors il manque plein de choses dedans, hein. Il n'y a pas de solo que l'on retient, il y a peut-être des morceaux un peu en trop sur un double album, mais voilà, c'est pas un album que je déteste écouter comme Frantic, comme Saint-Anger ou comme certains autres, comme qu'est-ce qu'il y avait, je me rappelle même plus, tu vois, c'est pour te dire, Load et Reload. Où il y avait 4 morceaux sur le premier et 4 morceaux sur le deuxième, ils auraient pu faire un seul album et hop, basta, on n'en parlait plus. Mais non, voilà. Donc cet album-là, moi je l'écoute franchement bien. Metallica, bravo les gars, merci d'être revenus. Et surtout, on va voir tout ça en live, hein, puisqu'ils arrivent bientôt en live en France. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir les juger à nouveau. Un petit stade de France, c'est ça hein Oui, c'est ça, je crois. Et donc ouais, ils peuvent se le permettre. On va enchaîner un petit peu avec les gens qui aiment beaucoup Metallica. Et Metallica Exactement. Les aime beaucoup. Ah bah, en fait, l'histoire, c'est quand même que le chanteur de Metallica est venu taper à la porte du chanteur de Volbeat, parce que c'est le prochain, voilà, c'est ça, et lui a proposé de faire toute la première partie de la tournée, et c'est comme ça qu'ils ont été d'ailleurs dévoilés au grand public, parce qu'ils faisaient que des bars à l'époque. Ils commençaient à faire des petites dates, mais ils n'étaient pas du tout connus en France. Ah, en France, oui, en France. Et c'est grâce à leur date avec Metallica qu'ils ont réussi à percer, et d'ailleurs ils ont fait sale comble. Mais on parle bien pour la France, parce que dans le pour monde entier, France. ils étaient vraiment révélés bon, déjà. Voilà. Volbeat, on vous les présente plus, pareil que Metallica en fait, ils sont danois et. Metallica ils sont pas danois. Non, Volbeat, ils sont danois. À mon avis, maintenant on peut plus dire qu'ils sont américains. Ils doivent bien vivre aux États-Unis depuis le temps. Je pense, ouais aussi. Ouais, voilà. Parce que. Bon, mais bref. Je pense qu'ils étaient quand même assez attachés à leurs racines quand même. Ouais, alors Volbeat. Je sais pas trop. Je suis pas mondaine à chercher les potins, savoir qui vit où. Bref, et voilà. Enfin bon, bref. En tout cas, ils sont issus du Danemark. C'est quand même un jeune groupe parce qu'ils se sont formés qu'en 2001. Odyssée de l'espace. Voilà. Et ils ont sorti un album qui est sorti en mars 2016 chez Universal Records. Ça va, ils se font pas chier non plus. Bah, c'est aussi la maison de disques. Enfin, c'était l'ancienne maison de disques de Metallica. De Metallica, voilà, ça m'étonne pas. Hein, donc, voilà. Hein quand on est pistonné. Le titre de l'album c'est Seal the Deal and Let's Boogie. Comme tout le monde le sait, ils nous font du Elvis Metal. On trouve même dans certaines chroniques du Rockabilly Heavy. Il y a de tout en fait pour les distinguer. Mais moi j'adore. Ils ont de la country. Ils ont, c'est vraiment excellent. Ils ont un mélange de country, de rock and roll. J'adore. Voilà. Et puis la voix qu'il a, c'est. Moi j'adore. Une voix chaude, une voix qu'on n'entend pas ailleurs. Exactement, déjà. Exactement. Et pour les avoir vus au... Hellfest ? Au Hellfest, mais avant à... Merde. Oui, merde. Ah, c'était un festival celui-là. Ah, il est bien. Il est bien. Je crois que ça s'appelle Bardouit et c'est voilà. Le Download Festival qui était sur l'hippodrome de Longchamp. Je les ai vus de derrière la scène je me suis pris une claque dans la gueule. Tu les as vus par derrière ? Ouais, je les ai vus par derrière. Elle les aime aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. Exactement. C'est quand ils veulent, où ils veulent. Sans dessus-dessous ? Sans dessus-dessous, c'était ce que j'étais sur scène, à pouvoir les voir d'aussi près. Non, mais voilà, je les adore. C'est vraiment mon gros coup de cœur depuis des années. Et le titre qu'on va vous passer, c'est The Devil's Bleeding Crown. Et bon, c'est un coup de cœur partagé hein, par l'ensemble de l'équipe parce que franchement, il n'y a rien acheté dans exactement. Et chaque album qui sort, il y a toujours cette magie et à chaque fois, c'est une grosse claque. Les airs, ils sont entraînants, ils nous restent dans la tête. Enfin, voilà, moi, je prends vraiment plaisir à écouter leurs 6 albums en permanence et voilà. Une autre révélation peut-être pour cette année pour toi ? Tout à fait. Alors pareil, révélation du Download Festival du mois de juin. C'était Rival Sons. Ils seront en concert en février. Je vais les voir. J'ai pris ma place. J'ai craqué. Voilà. Donc ils ont sorti leur album en octobre 2016. Album qui s'appelle Hollow Bones. Sur la pochette, on y voit un gros loup blanc. Ça ne pouvait que te plaire. Étrangement. Hein. Et donc ils ont signé chez Irash Records, label que je connais absolument pas. Mais c'était surtout sur du thrash metal, des choses comme ça qu'il y avait. Ouais, alors là c'est plus du hard rock and roll. On est plus un peu prog même par moment. Par moment sur certains morceaux, mais c'est un bon mélange. Oui. Et donc ils nous viennent des États-Unis, de Californie. Et le titre que j'ai choisi c'est All I Want. Allez, on écoute donc Metallica, Volbeat et Rival Son. À tout de suite. Thank you. retour dans le Rockford Show. Vous êtes toujours à l'écoute de Jen, de Phil et de Tom. Et vous êtes en train d'écouter Amon Amarth, tiré de leur album Jumps Viking, qui est sorti chez Sony Music au mois de mars 2016. Et je crois que le titre c'est First Kill. Exact. C'est ça ? Bon, ça va, j'ai bien appris ma leçon. Et qu'est-ce qu'on a écouté juste avant ? Alors, nous avons écouté Metallica, Volbeat et Rival Sons. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a pris notre pied. Et on va continuer à prendre notre pied, cette fois-ci, avec d'autres nouveautés, d'autres choses que l'on a appréciées et aimées en 2016. Et on va commencer tout de suite, sans plus attendre, avec Fallujah, qui a été un petit peu quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est arrivé comme ça sur les platines et qui nous a fait vraiment grandement plaisir, en tout cas à moi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez brutal. Mais j'ai trouvé que c'était vachement bien joué, la production était très très bonne. C'est un groupe américain qui nous vient de San Francisco. L'album est sorti chez Nuclear Blast, si mes souvenirs sont bons, en avril 2016, ouais. C'est ça. Et le titre de l'album, c'est Dreamless. Et le titre du morceau, ma chère Jen ? The Void Alone. Très bien. Donc voilà, Fallujah, moi j'ai vraiment craqué. Je sais pas ce que vous en aviez pensé, vous, à l'époque, mais ça fait partie des choix 2016 de la rédaction du Rock for Show. On enchaînera avec quelque chose de totalement différent. Complètement. Alors là, on part sur du heavy. Axel Rudi Pell, que j'adore, notamment ses compilations de balades où c'est des trucs pour faire des bébés. Ah oui, ça, oui, complètement. Voilà. Là, son album est sorti en janvier. Alors, je sais pas, en janvier, il y a eu une tripotée d'albums que j'ai adoré. Il est sorti en janvier 2016. Il s'appelle Game of Sins. C'est sorti chez SPV et le titre que j'ai choisi, c'est Fire. Tu veux nous mettre le feu, toi ? Attends. Dans la cheminée ? All I want fire. Mettre le feu dans la cheminée. Et bon, bah écoute, on va voir ça. Ça va nous réchauffer un petit peu, remarque. Toi, tu veux mettre le feu dans les démons ? Le feu dans les démons, plutôt ? Non, moi, je voudrais... c'est aussi un titre que j'ai choisi pour Jen. Parce que Lone Wolf. Lone Wolf. Lone Wolf, c'est Lone Wolf, quoi. Lone Wolf qui seront d'ailleurs au Paris Metal France Festival. Tout à fait, ça va faire plaisir de pouvoir les voir en live, quoi. Ils seront au Paris Metal France Festival le samedi 7 sur l'ultime stage. Hein. Et effectivement, mon cher Tom, je cherche son nom maintenant, c'est dingue ça. C'est Demon's Fire. Donc effectivement, le feu du démon. Hein, c'est le titre du morceau que l'on va écouter de Lone Wolf et c'est tiré de leur album Game of Sins. Non. Alors, non. Alors comment te dire? Absolument que là, pas. Parce que vous avez conseillé Axel, ah oui, excusez-moi, j'ai trompé de ligne. Il dormait, t'as vu? Et t'as vu, on l'a surpris en train de dormir, c'est dingue. Ouais, par contre, je veux dire qu'ils ont fait un massacre. Hein. Non, mais donne-nous le vrai titre. Non, The Ethan Down. On va dire ça? Non, tu veux dire autrement? Down? Vas-y. Ouais, non, Down. Down, ouais. C'est l'aube. Ouais, hein, oui, c'est l'aube. Et c'est sorti chez Massacre Records en juin. Ouais. Ils nous viennent Oui, le 20 mai 2016, ils nous viennent de Grenoble en France. Hein. Bah, là où il neige. Quand on connaît Lone Wolf, tout le monde le sait. Et ils nous font du heavy speed, voilà, et c'est excellentissime. Du gros heavy allemand, comme on en connaît. C'est des Français qui font du heavy allemand. Là, c'est énorme. C'est vraiment grand et on est très, très, très content et fiers de les avoir sur le Paris Metal France Festival. Génial. Allez, on vous laisse donc avec Fallujah, Axel Rudi Pell et Lone Wolf. Musique. We'll be right back. on se croirait en Bretagne, hein, ma chère Jen. Non mais on se croirait, ouais, surtout non, qu'on là, se casse. On est parti très très loin là, en fait, loin, plus hein. que la Bretagne. Ah ouais ouais. Là, hein. On est là, on s'en va. L'Irlande. L'Irlande, ouais, l'Irlande. Ouais. On s'en va là en fait. Comment ? On s'en va là. C'est une musique d'envoi pour moi. C'est salut, au revoir, bye ah bye. Bon non, du tout. C'est In Extremo, excellentissime album, un beau digipack avec plein de. Enfin, ils ont sorti quelque chose de vraiment chiadé avec plein de photos, de choses. Enfin, et vous pouvez mettre dans le gatefold, vous mettez la photo que vous voulez en fait. Donc l'album, bah, il peut. Si vous avez marre d'une pochette, vous en mettez une autre. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Et le titre que vous avez écouté, c'est Stern Hagelfall, et c'est tiré de l'album Quid Pro Quo chez Vertigo, qui est sorti quand Au mois de juin 2016. Ouais. Juin 2016. Voilà. Donc un excellentissime album, on aurait pu vous le passer un titre en entier, mais bon, on aura l'occasion, je pense, puisque le groupe devrait venir en France, puisque maintenant que les Français l'ont découvert il y a quelques années, eh ben, ils aiment bien aussi, donc ça permet de les revoir de temps en temps. On va enchaîner avec... bon, on va passer de l'autre côté, hein, dans l'hémisphère sud de la planète, puisqu'on va aller en Australie, avec un groupe qui nous a bien surpris tout l'été, et qui s'appelait Meshiach. Meshiach avec deux A. Hein, voilà, et c'était vraiment... Moi, c'était une belle grosse surprise. Et j'ai bien aimé cet album. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Chronicles of the Dead, et c'est tiré de l'album... Alliance of Tide. Sorti chez... chez qui ? Chez Mascot Records. Mascot Records. Ouais. Et c'est vrai que Mascot, en fait, Volbeat était signé chez Mascot. À la base, oui, c'est ce que j'ai cru voir sur les précédents albums. Voilà, et donc on souhaite tout le bonheur du monde et la même chose à Meshiach, parce que franchement, ce groupe est vraiment très très bien, un groupe de thrash metal. Et moi, j'ai vraiment apprécié ce groupe australien. On enchaînera ensuite avec... Alter Bridge. Des Américains. Tout à fait. Le titre de leur album, c'est The Last Hero. Mm-hmm. Le titre qui a été choisi pour ce fabuleux best-of de Jour de l'An, c'est Show Me a Leader. Exactement. Et le tout est sorti chez Napalm Records. Tout à fait. Le 7 octobre. Oui, toi, t'as plus des sélections du mois d'octobre, moi, plus des sélections de début d'année. ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Et non, mais j'ai bien aimé, en fait, cet album. Bon, la voix est vraiment proche, c'est très rock'n'roll et tout, donc vraiment excellente voix. Et nous allons enchaîner avec un autre groupe américain, un All-Star Band, en fait, hein. Puis il s'agit de Hollywood Monsters. Alors on avait tout à l'heure on a parlé de l'ordi, bah voilà, là, c'est encore des Monsters, mais ceux-là ils nous viennent de Hollywood. C'est tiré de l'album Capture the Sun, sorti chez Deadline Music. Music, oui, hein, tout à fait. Et c'est sorti aussi en octobre. Eh bah tu vois quand on parle de fin d'année. Ouais, c'est vrai, c'est voilà. Encore sorti en octobre. Et le titre que je vous propose de découvrir, ma chère Jen, c'est Evolution. Evolution. Ouais, Evolution. Et donc, bon, voilà, le All-Star Band qu'on a découvert. Et moi, je l'ai découvert, en fait, grâce au graphiste du Paris Metal France Festival. Puisque c'est lui qui a réalisé le clip de Hollywood Monsters. Donc, voilà, c'est juste comme quoi tout est lié, hein, dans la vie. Hein, puisque le Paris Metal France Festival est encore là avec un groupe étranger, c'est quand même dingue. Donc ben voilà, on va partir donc en musique avec, comme on vous le disait tout à l'heure, Meshiach, Alter Bridge et Hollywood Monsters. Musique. Fill it. strong and the legend still lives on. Et voici donc de retour le Rock for Show tous les jeudis soirs des 19h30 à 21h30 et c'est bientôt 21h30 donc on va vous laisser vous préparer pour la fin d'année. Attends, hein. Il reste encore deux jours. Mais bon, ils vont se préparer quand même. On est que jeudi. Parce qu'il faut quand même aller chercher les derniers. Encore l'année dernière, c'était le soir même, mais là c'est bon, il y a le temps encore. Ouais. Faut aller chercher les derniers cotillons, faut préparer les toasts, tout ça, parce que moi je vais passer avant chez les gens. Hein, ah oui, d'accord. Pour voir si tout est bien prêt. Tu fais le ravitaillement, quoi. Ouais, moi je suis chelé. En fait, il commence le jour de l'an le jeudi soir et il le termine le lundi d'après, quoi. Ouais, même l'autre d'après, puisqu'on va faire la fête encore. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, putain, le bordel. En fait, on n'arrête pas de faire la fête pendant 3 semaines. Maintenant, en fait. Ah, oui. Tout de suite, là. Oui. Donc, je vais aller me coucher. Dès qu'elle est finie, émission, dodo, hein, parce que faut pas tergiverser comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a écouté, mes chers amis? On a commencé avec les Australiens, Méchiac. Ouais, Méchiac. Mais quel nom? Ça fait trop bizarre. Je sais pas si ça se prononce comme ça en fait, mais je pense que oui. Méchiac. Ouais. Ouais. Je vois pas. Méchiac. Méchiac. Méchiac. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bon, moi, nous, on a bien aimé. Ensuite, on a enchaîné avec Alter Bridge. Yes. Et Hollywood Monsters. Voilà. Alors, j'espère que cette programmation et cette sélection de titres que l'on a aimé durant 2016 vous aura plu. Nous, on a été vraiment contents d'écouter tous ces groupes, de les remettre un petit peu en lumière en cette fin d'année. Et puis, sachez que vous allez pouvoir réécouter ces émissions sur notre Facebook, mon cher Tom. Facebook, non, sur le Facebook des radios. Des radios. Parce que moi, j'ai pas accès au Facebook du Rock for Show, j'ai pas le droit. Si vous voulez. Ah bon, c'est vrai? Ah bon, on va te donner un accès alors. C'est interdit. Je savais pas, alors on va te donner un accès, ça, parce que c'est pas normal. Hein. Je vais téléphoner au directeur. Ouais, sinon, si vous allez sur le shit. Vous allez sur le shit, vous vous roulez un petit pet, et puis surtout, ne contactez pas, parce que ça ne branche pas du tout. La drogue, c'est mal. Non, vous allez sur le site archive.org et vous cherchez Rock for Show. Très bien, très bien, très bien. Bon, et puis on pouvait pas finir cette année sans vous parler du nouvel album de Sabaton qui s'appelle The Last End. Et que vous entendez en fond sonore et qu'on va vous repasser en entier quand on va se quitter. Oh non! Mais si. C'est sorti Sabaton chez... Sabaton. C'est sorti chez Napalm Records. Non, chez Nuclear Blast, mon cher ami. Ah oui, pourquoi Napalm? N'importe là, quoi. Je sais pas, c'est n'importe comme moi tout quoi. À l'heure. Ouais. Ouais, donc Nuclear Blast, ouais, tout à fait. Nuclear Blast. C'est sorti quand donc? En août. En août? Ouais, Ah ouais, ils aiment bien l'été. Voilà, et puis le titre que l'on écoute, c'est The Battalion. The Lost Battalion, ils sont suédois. Voilà, donc Suède, la Suède, Noël, jour de l'an, tout ça, c'est bien froid. C'est pumped up, attention. Donc on t'est. Non, mais arrête, avec tes connes, c'est fini là. Revoici c'est bon, attends, c'est bouteille de champagne. Revoici les rênes. Bah vas-y, fais péter. Il est gentil, il nous dit plein de choses. J'ai la dalle, hein, j'en peux plus, c'est j'ai dingue. Trop faim. C'est non, dingue. Mais le problème, c'est qu'il y a l'économie citoyenne, elle a du mal. Donc, c'est vrai ouais. Bon, allez, on se quitte. On se quitte. Allez, on va se quitter. Allez, on se quitter. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. À l'année prochaine. Bye bye avec Sabaton. Bye. Salut. The great war rages on. Our battalion is lost in.